Ici c'est la colère qui kill et y'a personne qui a l'air conquis. Je rêve d'un monde bleu mais je le vois couleur kaki. Je voulais tendre la main, on m'a dit est-ce qu'à garde tes gants. Et gars y'a pas d'égal ni de gag, on vit la guerre des gangs. Je voulais prendre mon envol mais j'avais pas où atterrir. Paraît que l'intérêt de la terreur est d'enterrer tes rires. Hey, je veux qu'on place mon blaze dans l'espèce humaine. Mais pour l'instant je veux m'intégrer dans l'espèce humaine. Et j'ai appris qu'en étant assis sur une chaise t'as rien. J'ai vu que de plus en plus de gens instaurent le geste à rien. Et ça m'étonne que le monde soit encore terre entière. Où je vais je ne sais pas vu que j'ai perdu ma carte de routière. Mais où je vais gros, c'est le nom du livre qu'il y a sur mon chevet. C'est l'air à double tour et si je lis on viendra m'achever. Comme je suis sans scrupule, plus la vie me le rendra peut-être aussitôt. Dans le bien ou dans le mal, un jour ou l'autre j'ai peut-être incité. Rempli d'électricité, je suis pas à l'abri des intempéries. Je vais mourir d'atrocité ou m'étouffer de ma atropéra. Donc je marche seul avec la vue de Stevie Wonder. La canne à patata, je fais plaisir comme un bon vendeur. J'ai pas de GPS et encore moins de guide de Michelin. Je capte rien comme TPS et j'ai bien peur de me perdre à mi-chemin. Donc j'ai rien à déclarer, t'es mal décoré, mal éclairé. À part tous mes fantasmes sur les caresses de moi éclat. Où je vais? Je ne sais pas vu que la terre tourne en rond. Mais où je vais? Je ne sais pas vu qu'on entame le dernier rond. Mais où je vais? On ne sait pas. Donc on sait pas. Vu que c'est fade, on est souffrant. Et chacun invente que sa fin. Mais où je vais? Je ne sais pas vu que la terre tourne en rond. Mais où je vais? Je ne sais pas vu qu'on entame le dernier rond. Mais où je vais? On ne sait pas. Donc on s'évade. Quoi qu'on s'en fait. On est souffrant. Et chacun invente que sa fin. Je pars de travers, y'a plus de tracé. Je passe de route à racine sans copilote, dur de gérer. Trajectoire et circuit, souvent sur première, deuxième. Je bousille la boîte d'embrayage. Sans secours, niveau détresse, je me déguise en Ryan. Mais où je vais, je sais même pas. Peut-être sûr que je me trompe, on sait jamais, la poisse peut. Divorcer de ma sale tronche, pour l'instant, je fais avec. Me perds souvent, même si je connais. Les neurones me fausse compagnie, puis je m'avance au nez. Le regard sans tous les angles, autant dire que je suis presque aveugle. Je marche ralenti, sans l'eau débit, m'arrive de faire un bug. Quand 2-5 à 23, je sais pas vers quoi je me dirige. Une direction bien définie que je connais pas aujourd'hui. Je vais pas te faire un dessin, gros, je suis un dessin, atmosphère malsain. Malsain qui règne dans la Tessie, je sais pas où je vais. Où je vais, en tout cas, j'ai d'où je viens. Je suis fier de ce que je suis, mais dans les poches, j'ai rien. C'est pour mes chiens de la casse, shérif, faut gérer le cash. J'ai la French touch, j'ai le visage pas. Les frères se touchent devant l'IAS de Pascal. Ça devient louche, pour les gosses, ça se passe mal. Picole, oublier une vie crue. Lâcher les bandes, l'école, pour les bandes, la rue. Troquer les heures de colle, pour des gardes à vue. Écoute, grand, j'ai mort, et ce depuis l'époque des francs. Et pour être franc, ici ça tire pas que les coups francs. Où je vais? Je ne sais pas, vu que la terre tourne en rond. Mais où je vais? Je ne sais pas, vu qu'on entame le dernier rond. Mais où je vais? On ne sait pas, donc on s'évade. Vu que c'est fade, quoi qu'on s'en fait, on est souffrant. Et chacun invente que sa fin. Mais où je vais? Je ne sais pas, vu que la terre tourne en rond. Mais où je vais? Je ne sais pas, vu qu'on entame le dernier rond. Mais où je vais? On ne sait pas, donc on s'évade. Quoi qu'on s'en fait, on est souffrant. Et chacun invente que sa fin. Contre la street et la school, le rap et la soul. Happé par la foule ou frappé par la houle. Mon âme reste telle cool, encaisse telle tout. Les coups un peu partout, les potes partout. Prennent leur parcours, dès le top du parcours. Un avenir casse-cou, car sans aucun secours. Tout tard, tous tassent enfin le parcours. Où je vais, où je viens, trop de feu rouge vert. Le cœur ouvert, à peine couvert. L'avenir assuré d'un gosse-nez sous verre. Souvenir de ceux qui ont trop souffert. Ce flair se